Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Allez, vous êtes dans l'ambiance, c'est bien sûr de Bernard Lavilliers, son vrai nom Bernard Houillon, que nous allons parler aujourd'hui. Vous allez voir que l'ambiance musicale n'a pas été toujours la même durant sa carrière. On va parler des différentes périodes de sa carrière, de sa vie privée également, bien sûr, de son actualité en toute fin d'émission. Alors, il est auteur, compositeur, interprète français, né en octobre 46 à Saint-Étienne ou Firminy, selon les sources. Bernard Lavilliers, fils d'un ouvrier dans l'armement et d'une institutrice, a toujours été doté d'une sacrée force de caractère. Déjà enfant, le garçon qui grandissait dans un HLM de Saint-Étienne était batailleur, voire assez turbulent. Et pourtant, il n'était pas costaud, plutôt maigrelet et asthmatique. Et son père, qui avait fait de la lutte gréco-romaine, lui a fait prendre des cours de boxe pour apaiser sa colère. C'est à 12 ans que Bernard Lavilliers a pris ses premières leçons de boxe. Bien plus qu'un simple hobby, ce sport lui a permis la discipline et ça lui a même appris de faire des compétitions, mais il n'a jamais songé à en faire sa carrière. Avant de se consacrer à la chanson, il a travaillé en tant qu'ouvrier. Ouvrier tourneur sur métaux à la manufacture d'armes de Saint-Étienne, là où travaillait son père. Mais bien décidé à ne pas rester les bras croisés s'il constatait une injustice, il s'est pris le chou deux fois avec son patron, au point de se faire virer de son boulot après son deuxième coup de gueule. À 19 ans, il part pour le Brésil, d'où il revient un an plus tard. Il serait alors considéré comme insoumis vis-à-vis du service militaire national, mais toute cette période de sa vie, souvent racontée de différentes manières par les médias, fait l'objet d'interrogations portant principalement sur la concordance des dates et la véracité des faits. À partir de l'âge de 20 ans, il vit principalement en faisant la manche, jouant de la musique pour les passants. Il chante en parallèle dans des cabarets de la rive gauche à Paris. Il touche sa première paye en jouant à la pizzeria du Marais à Paris. Et attention, c'est là que c'est important, il y partage la musique, il y partage la scène avec Jacques Higelin et Renaud. En 1967, il sort ses premiers 45 tours et obtient le prix de la Rose d'Or de la chanson à Montreux. Son premier album, quant à lui, Chanson pour Mamie, sort en 1968 avec en titre son prénom et un énigmatique Lavilliers, probablement lié au nom de la ville ouvrière d'Aubervilliers selon ses propres déclarations. Ça deviendra son nom de scène et pendant les événements de mai 68, il chante dans les usines occupées de la région lyonnaise. Sillonnant alors la France, il éprouve des difficultés à percer dans la musique tout en jouant pendant quelques mois dans des cabarets de province. Au mois de juin 68, il fait la manche en Bretagne. Il exerce plusieurs petits boulots également, restaurateur, gérant de boîte de nuit à Marseille, etc., etc. On va écouter un extrait de ce premier album, ça s'appelle donc « Chanson pour Mamie ». Dans l'immensité noire de tes yeux, mon amour, dans la complicité du vent sur les deux rives, et dans la pauvreté de ma vieille ville grise, je dessine ton nom, amour. Sur les murs prisonniers de mon usine bagne, sur les chemins de feu qui mènent à l'Espagne, sur les histoires bleues, mon amour de cocagne, je veux chanter ton nom, amour. Sur tes cheveux de jais, sur tes armes de charme, sur ta bouche de rose, sur ton cœur d'évidence, sur mon chemin de pluie, sur ma vie qui commence, je veux crier ton nom, amour. Sur les grands peupliers qui bordent les grandes routes, sur les petites croix qui bordent les déroutes, sur les orgues de l'art, sur mes deux mains si noires, je veux crier ton nom, amour. Pour celui qui ne comprend pas ce que veut dire amour, pour celui qui ne croit pas qu'un jour il fera jour, pour celui qui ne voit pas du bleu dans les ciels gris. Je le garde ton nom, amour. Je ne sais pas si vous réagissez comme moi, mais on croirait bien qu'il s'agit de Jean Ferrat au départ. Même timbre de voix, quelque chose de ressemblant, c'est sûr. On va écouter maintenant un de ses complices du départ, je l'ai cité tout à l'heure, c'était Jacques Higelin. On va l'écouter dans Champagne. Champagne.

Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Je vous ai laissé profiter de cette merveilleuse chanson jusqu'à sa dernière seconde. Je trouve, moi, que les aventures extraordinaires d'un billet de banque, c'est un petit peu Bonnie and Clyde, un petit peu l'ambiance Bonnie and Clyde de Gainsbourg. Décidément, qu'est-ce que j'ai à comparer toutes les chansons qu'on écoute à une autre aujourd'hui? Sachez que si vous venez de nous rejoindre, il s'agit d'un coup de cœur dédié à Bernard Lavilliers. Quoi vous dire? La fin des années 70 est une période prolifique pour lui, puisqu'il sort le 15e round album en 1977 et Pouvoir en 1979. En avril de cette même année, Lavilliers s'installe à Saint-Malo, achète un bateau et part pour la Jamaïque, puis New York, puis le Brésil. Il revient en France avec l'album O Gringo, l'un de ses disques les plus célèbres. La légende de Bernard Lavilliers, musculeux voyageur des quartiers louches des Amériques, se forge sur cet album exotique et notamment sur la photo de la pochette où on le voit hilar dans une chambre, une carte de New York et un revolver posé dans une valise. Cet album est celui de la reconnaissance musicale et du succès. Suit alors une grande série de concerts et il joue notamment dans le cadre du premier festival international de jazz de Montréal en 1980. On va l'écouter d'un Stand the Ghetto et puis un de ses potes de départ, ce sera Renaud qui prendra le relais.

je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge. Je vous rappelle que si ces jolies chansons vous donnent un petit goût de Reviens-y, vous pouvez les retrouver. Le podcast est là pour ça, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, bien sûr. Fadjet sur internet, www.fadjet.net. www.fadjet.net. Fin 2010, Bernard Lavillier sort le disque Cause perdue et musique tropicale. Le titre de cet album viendrait d'une discussion avec François Mitterrand dans les années 80. Alors invité au ministère de la Culture en compagnie d'autres artistes, il se voit demander par le président de l'époque ce qu'il fait de ses journées. Eh bien, il répond à cela, comme toujours, je chante des causes perdues sur des musiques tropicales. Et cet album est une ode à une musique tropicale du monde entier, à la salsa également et à la musique traditionnelle sud-américaine, et comme une invitation au voyage, on peut dire. En novembre 2013, il sort un nouvel album intitulé Baron Samedi. Ce 20e album est au format d'un double. Le premier CD comporte 10 titres au travers desquels il évoque son récent voyage à Haïti et ou encore la disparition récente de sa mère. Fin 2017, en septembre exactement, sortie du 22e album studio intitulé 5 minutes au paradis, album à dominante pop-rock. Et le dernier en date, eh bien, il date de novembre 2021, l'année dernière. Il se nomme Sous un soleil énorme, d'où est extrait le single Le cœur du monde, qu'on écoute tout de suite, on ne va pas se gêner. Toujours coup de cœur, Bernard Lavillier, extrait de son dernier album. J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, enchaîner, enchaîner, enchaîner. Quelques mots sur la vie privée de Bernard Lavillier. Durant les années 70, il partage sa vie de façon intermittente avec Evelyne Rossel, avec laquelle il a 2 enfants. Il est marié de 82 à 83 avec la bodybuildeuse Lisa Lyon, puis avec Mademoiselle Lee, de 1984 à 1989. Sachez qu'il est le père de quatre enfants, Anne-Laure née en 67, Virginie née en 72, Guillaume en 75, qui est musicien et qui l'accompagne parfois sur scène, et enfin Salomé née en 87 d'une rencontre avec Françoise. Il lui consacre une chanson et elle apparaît parfois avec lui sur scène également, notamment en 1995 au Palais des Sports de Paris. Au tournant des années 70 et 80, sa compagne Lisa Lyon, championne du monde de culturisme, l'encourage à travailler son corps, contribuant à son image de chanteur physique. Depuis 2003, il vit avec Sophie Chevalier, graphiste et sculptrice. Que peut-on dire d'autre ? Qu'à 76 ans, Bernard Lavilliers pense parfois à sa fin, même s'il souhaiterait continuer à être en forme au moins jusqu'à ses 80 ans. Pour être belle, baroudeur intrépide, il a vécu mille et une vies et a parcouru le globe. Pardon. Doté de ses envies d'ailleurs et de son désir de justice, l'artiste ne laisse personne indifférent. Et pour cause, il fait fi des conventions et n'hésite jamais à se lancer dans une aventure incroyable. Son passé d'ouvrier, de boxeur, son emprisonnement en France et au Brésil, son héritage, son épitaphe, son couple avec une championne de culturisme, son mariage avec une sculptrice, secrets et moments forts de la vie du chanteur, constamment on the road. En attendant d'être à nouveau en concert au Zénith de Paris le 7 janvier prochain, 7 janvier 2023, il est actuellement en tournée en région pour défendre son dernier album. Ce soir notamment, il chante à Châteauroux, le 25 novembre au Futuroscope de Poitiers, le 26 à Arcachon, le 30 à Vichy, également plein de dates au mois de décembre. Nous étions jeunes et larges d'épaule, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Au petit jour, on quittait l'Irlande. Et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. On the road again, again. La mer revient toujours au rivage. Dans les blés mûrs, y a des fleurs sauvages. N'y pense plus, tu es de passage. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. Et je sais que ça fait mal. Mais oui, il va falloir se quitter pour mieux se retrouver la semaine prochaine. Et je rappelle, la semaine prochaine, on sera déjà au mois de décembre, première émission du mois de décembre. Donc, qui dit première émission du mois, dit classement de nos hits préférés, nos hits coup de cœur. Que des nouveautés, donc 15 titres. Beaucoup de changements par rapport au mois dernier. Mais ça, ce sera la semaine prochaine à partir de 17h sur Fadjet. Je vous laisse en bonne compagnie. Continuez à écouter nos programmes et je vous souhaite une excellente semaine. Salut et à jeudi prochain.